On se dit souvent que les experts en gestion privée, c'est pour les autres. Parce que financer les études de ses enfants à l'étranger, avoir une entreprise, acheter sa résidence secondaire ou optimiser sa fiscalité, c'est aussi réservé aux autres, bien entendu. Mais si jamais vous découvrez que les situations des autres, eh bien, ce sont aussi les vôtres, alors vous avez sans doute besoin d'un expert en gestion privée. Avec Banque Populaire Gestion Privée, nous vous aidons à optimiser votre situation afin d'assurer l'avenir de votre patrimoine. Profitez d'un rendez-vous patrimonial avec l'un de nos experts en gestion privée en sollicitant votre conseiller Banque Populaire. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Ce soir à 20h45 sur France 3, Franck Ferrand nous emmène en Autriche, à Vienne, sur les pas de personnages de légende. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. En effet, depuis le palais de Schönbrunn et l'opéra de Vienne, je vous ferai revivre quelques-uns des épisodes les plus marquants de la vie de Marie-Antoinette, de celle de l'Aiglon, de Sissi, de Freud, entre autres. C'est donc un rendez-vous important que je vous donne ce soir. Et nous y serons fidèles. Aujourd'hui, nous partons à vos côtés à la rencontre des plus grands marchands d'art du XXe siècle. En effet, à commencer par Paul Durand-Ruel, qui aurait été le premier à reconnaître, à représenter, à faire connaître les impressionnistes, et ce, à l'échelle du monde entier. Yann Kerlo, auteur d'un ouvrage sur les marchands d'art d'hier et d'aujourd'hui, est avec nous pour vous parler de ces grands marchands. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Vincent sur les expressions liées au tambour, battre la chamade ou encore battre son plein. Oui, ben j'y répondrai tambour battant. Pour le moment, bienvenue dans le monde raffiné mais déroutant, envoûtant mais parfois vénéneux des grands marchands d'art. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il est très rare qu'un marchand d'art laisse un nom à la postérité. La plupart d'entre eux ne sont connus que des spécialistes. Mais le nom de Paul Durand-Ruel est resté célèbre parce qu'il est tout simplement celui qui a repéré et qui a le premier vendu les grandes toiles impressionnistes. Ce nom de Durand-Ruel reste définitivement accolé à l'histoire de l'art contemporain. On peut dire que Paul Durand-Ruel est sans conteste l'un des marchands d'art les plus célèbres et les plus influents de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Il a d'ailleurs complètement redéfini le rôle du marchand d'art, ce rôle de soutien aux artistes notamment. Nous allons en parler avec Yann Kerlo dans un instant. Ce Paul Durand-Ruel était né au début de la monarchie de Juillet. Il était né à l'automne 1831 à Paris. Son père était Jean-Marie Fortuné Durand et sa mère Marie-Fernande Ruel, d'où ce nom à trait d'union. Dans son ouvrage « Grâce lui soit rendue, Paul Durand-Ruel, le marchand des impressionnistes », Pierre Assouline raconte, je cite, que le côté des Durand était peuplé de vignerons établis dans la vallée de l'Yerre, à Solaire, en Seine-et-Marne. Leur famille plongeait ses racines dans l'Oise, nous dit-il, à Clermont. Cette géographie leur tenait lieu d'histoire. Et du côté de chez Ruel, si l'on ose dire à la manière de Proust, c'était autre chose, plus riche, plus cultivé, plus relationné, nous dit Assouline, plus aisé en tout, du moins à l'origine. L'adversité ni les revers de fortune n'avaient entamé la qualité des réseaux d'amitié des Ruel, ni l'excellence de l'éducation qu'ils donnaient à leurs enfants. L'une d'entre eux, Marie-Fernande, bénéficia d'une sorte de cadeau que leur firent les Guillot, un couple de leur cercle, au maître de tout, une papeterie payable dans des conditions inédites dans le commerce officiel, située 174 rue Saint-Jacques, donc mitoyenne d'un fameux vide-bouteille à l'enseigne de l'Académie où étaient entreposés en permanence quelques dizaines de tonneaux d'alcool. La jeune Ruel tint l'affaire en dépit de son inexpérience jusqu'à ce que l'entourage eut un jour l'idée de favoriser son union avec le principal employé de la papeterie, Jean-Marie Fortuné Durand. Ils habitaient au-dessus des magasins. Outre le jeune couple, la grand-mère et la tante Louise vivaient dans ce grand appartement situé au premier étage. C'était l'époque, vous savez, où les familles entières vivaient comme ça, s'entassaient même dans les appartements parisiens. Yann Kerlo raconte quant à lui dans son ouvrage « Chercheurs d'art, les marchands d'art d'hier et d'aujourd'hui ». En 1825, nous dit-il, l'union des Durand d'un côté et des Ruel de l'autre allait non seulement se matérialiser par la naissance d'un trait d'union entre leurs deux patronymes, mais aussi annoncer l'avènement d'une dynastie. Le cœur et les affaires avaient contracté mariage et uni à 30 ans Marie-Fernande Ruel à Jean-Marie Fortuné Durand, de 5 ans son cadet. Dans sa corbeille de mariage, Marie-Ferdinande apportait un commerce de papeterie et articles divers, pinceaux, encadrements, aquarelles. Chevalet voyait déjà que on est très loin de l'art encore, et encore plus loin du grand négoce international, mais il y a déjà quelque chose presque d'artistique dans ce commerce. Le jeune Paul Durand-Ruel n'a qu'une sœur, son frère aîné est mort à la naissance, il a une autre sœur qui va mourir elle aussi au bout de quelques mois, Marie-Thérèse, de 4 ans son aînée, cette grande sœur, et que Paul définira plus tard comme la tendre compagne de sa jeunesse, son guide et son soutien en bien des circonstances. En 1840, il y a un différend avec le propriétaire des murs de la papeterie et la famille Durand-Ruel dit adieu à la rive gauche. Elle s'installe à proximité de la rue de la Paix et de la place Vendôme, au 103 rue des Petits Champs. Petit à petit, la papeterie va céder du terrain. En effet, quand ils ne peuvent pas payer leur matériel, les artistes laissent en garantie un ou plusieurs tableaux. Vous voyez comment ça se passe? C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien d'acheter des chevalets, de la toile, des couleurs, mais quand on ne peut pas les payer, on paye en nature, en quelque sorte. Et, comme le dit Yann Kerlo, voici la famille Durand-Ruel dans un nouveau rôle, celui de dépositaire d'œuvres d'art. Une manière comme une autre de partager les risques et une façon pour Jean-Marie Fortuné Durand-Ruel de se familiariser avec l'art et par la même occasion d'y familiariser sa famille. Les Durand-Ruel se retrouvent à exposer des artistes qui sont tout à fait connus, ce sont loin d'être de petits maîtres. Géricault par exemple, Delacroix, vous imaginez, le père de Paul Jean, vend, loue des tableaux. La papeterie devient donc une sorte de point de rencontre pour, quand je dis la papeterie, on devrait presque parler d'un marchand de couleurs plus exactement. Ça devient un point de rencontre pour les artistes et les collectionneurs, et peu à peu, l'arrière-boutique va devenir une sorte de galerie de faits, et puis gagner du terrain et devenir une véritable galerie. Ce qui fait que le jeune Paul Durand-Ruel va grandir entouré par la peinture, par les artistes qu'il voit comme ça entrer chez son père, aller, venir en permanence. Et c'est sans doute dès l'enfance que s'est amorcée sa passion pour l'art, cette passion qui dès lors ne le quittera plus. Il n'a pas 16 ans, Paul, lorsque son père commence à le faire travailler avec lui. On est donc là au début de 1847. Il abandonne ses études au Collège Bourbon, le futur lycée Henri IV. On n'est pas loin de la révolution de février 48, qui interrompt l'ascension des affaires de la famille Durand-Ruel. Et comme le raconte Pierre Assouline, comme tous les Parisiens, et plus encore dans la mesure où ils vivaient et travaillaient sur la ligne de front, les Durand-Ruel vécurent les journées de 48 dans l'angoisse et dans la peur. Pendant ce temps, Paul n'est pas encore convaincu que son avenir réside vraiment dans le commerce de l'art. Il hésite encore à entrer, il ne sait pas tellement quelle carrière il veut faire. Il veut faire une carrière, ça c'est sûr. Est-ce que ce sera dans l'armée ou pourquoi pas dans l'église? Ce qui inquiète quand même ses parents qui, eux, voudraient le voir reprendre les affaires, l'affaire familiale. Il reprend donc ses études car les deux sacerdoces, que ce soit l'armée ou l'église, exigent un niveau scolaire plus que décent. Et avec l'aide d'un oncle maternel, il va s'improviser précepteur. Cet oncle, il va lui donner tout son savoir, si je puis dire. Grâce à cette collaboration entre eux, le jeune Paul obtient son baccalauréat en mars 1849. Il réussit son examen d'entrée à Saint-Cyr. Il se destine donc à une carrière dans l'armée, mais le destin en décide autrement et c'est la maladie qui va détourner définitivement Paul Durand-Ruel d'une carrière sous les drapeaux. J'allais dire, on est passé tout près d'une catastrophe, d'une perte irréparable. Voici ce que lui-même raconte. « Après mes examens, dit-il, qui m'avaient fatigué, j'étais tombé malade et je fus assez long à me remettre. Mes parents et mon médecin me représentèrent que mon état de santé s'opposait absolument à mon entrée à l'école et, après bien des hésitations, j'envoyai ma démission au ministre de la guerre, me résignant par devoir à rester avec mes parents pour les seconder. » Par devoir, rester, seconder, vous voyez que les termes employés traduisent le peu d'enthousiasme que Paul Durand-Ruel lui-même met dans ses perspectives. Jean-Baptiste Mussorgsky, un extrait des tableaux d'une exposition. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à votre récit sur les marchands d'art et plus précisément à Paul Durand-Ruel. Oui, alors il y a un événement qui va marquer Paul Durand-Ruel, le jeune Paul, il a 24 ans à l'époque, c'est l'exposition universelle qui s'ouvre au printemps 1855 et qui va durer pendant 6 mois. Il va s'y rendre le plus souvent possible et bien entendu, il arpente en priorité les immenses galeries consacrées à l'art. Il connaît maintenant, il apprécie les œuvres de Delacroix. Il est notamment en admiration devant l'ensemble des tableaux de l'artiste qui sont exposés dans cette grande circonstance. En ces journées de 1855, durant lesquelles il fréquentait assidûment les galeries de l'exposition universelle, il s'émancipa également du goût familial, nous dit Assouline, car en reportant son admiration sur Delacroix, il la retirait d'un même élan à Descamps, un artiste dans l'univers duquel il avait toujours baigné tant il était abondamment représenté à la maison. Et Assouline ajoute, au lendemain de la triomphale exposition universelle, Jean-Marie Durand-Ruel sentit le moment propice pour relancer son affaire en déménageant sans quitter le quartier, au premier numéro de la rue de la Paix, à l'angle de la rue Neuve des Capucines, quitte à voir son loyer annuel passer du simple au double. Il offrit ainsi à son fils d'accomplir son grand tour. Paul Durand-Ruel se rendit aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et surtout en Angleterre, où il retourna par la suite à maintes reprises. Le 4 janvier 1862, Paul épouse Jeanne-Marie Lafont, dite Eva, qui est la fille d'un horloger de Périgueux. Elle a 10 ans de moins que lui. Ils auront 5 enfants, 3 garçons et 2 filles, dont le point commun est de tous les 5 abriter Marie dans leur prénom complet, si vous voulez. C'est un peu la marque de fabrique de la famille. En avril 1863, Napoléon III crée, vous le savez peut-être, le Salon des Refusés. Vous savez, ce qui permet aux artistes dont les œuvres ont été refusées au grand salon officiel de pouvoir quand même exposer leur travail et ce qui permet au public de juger ce travail. Paul, à l'époque, a 32 ans, et c'est la première fois qu'il assume le rôle d'expert aux côtés d'un commissaire-priseur qui s'appelle Maître Boussaton. Le père de Paul, Jean, va mourir peu de temps après, en 1865, et à partir de ce moment-là, c'est Paul qui reprend les rênes de l'affaire familiale, où on va quand même trouver un certain nombre de maîtres de l'école de Barbizon, Corot notamment, qui est là. Et progressivement, Paul va établir sa politique de marchand, qui est fondée sur quelques principes assez novateurs. Protéger, défendre l'art avant tout, défendre, soutenir autant que possible l'exclusivité du travail des artistes, créer des expositions individuelles, avoir des liaisons avec des galeries internationales. Vous voyez que tout ça est d'une modernité assez extraordinaire. C'est un débroussailleur, cet homme-là. Il permet également au public d'entrer gratuitement dans les galeries, jusqu'à son appartement où il expose des œuvres d'ailleurs, afin de promouvoir le travail des artistes par le biais de toutes sortes d'expositions, plus ou moins temporaires, plus ou moins regroupés. Il y a également tout un travail avec la presse. Il associe le monde de l'art à celui de la finance. Enfin, on a presque l'impression de voir naître ce qui va devenir le marché de l'art actuel. Paul Durand-Ruel en profite pour quitter la rue de la Paix et s'installer 16 rue Lafitte, ce qu'on appelait la rue des tableaux à l'époque. Il signe là un bail de 18 ans avec un loyer extrêmement élevé, mais pour cause, la galerie est vraiment dans l'épicentre du Paris de l'art. Et en janvier 69, Paul va lancer la Revue internationale de l'art et de la curiosité. Ça, c'est un peu le moyen très intelligent d'ailleurs de faire de sa galerie le point de passage obligé de tous les amateurs d'art, de tous les collectionneurs notamment. En 1870, Paul Durand-Ruel a lancé peut-être un peu trop d'investissements pour développer ses nouveaux locaux, pour acheter des tableaux, car il a maintenant un stock impressionnant. Pas oublier que depuis juillet 70, la France est officiellement en guerre contre la Prusse. Et vous savez qu'à Paris, ça commence à aller très mal. Assouline nous dit qu'un comité d'artistes formé sous le patronage de la Société de secours aux blessés et des armées de terre et de mer fait appel au patriotisme des peintres et des amateurs pour organiser des ventes publiques d'œuvres d'art au profit des blessés. Et qui est l'expert de ces ventes en quelque sorte humanitaires de secours aux soldats? C'est Paul Durand-Ruel. La guerre franco-prussienne va se poursuivre. Durand-Ruel est obligé de quitter Paris. Il va se réfugier à Londres. Il y retrouve un certain nombre d'artistes français. C'est là notamment qu'il va faire la connaissance de Pissarro, de Monet. Un matin de janvier 71, Charles d'Aubigny lui présente un peintre qu'il ne connaissait pas, sinon par son travail qu'il avait déjà pu admirer à Paris. « Achetez, lui conseille d'Aubigny, je m'engage à vous reprendre les toiles dont vous ne vous défrayez pas. » Le jeune homme en question, vous avez bien compris que c'est Claude Monet. En décembre 70, Paul Durand-Ruel ouvre la première d'une série de 10 expositions annuelles de la Société des artistes français. On est là dans la nouvelle galerie qu'il a fondée à Londres, en 68 New Bond Street. Très jolie rue de Londres, qui aujourd'hui encore est un haut lieu du goût et du style. Et plus tard, il confiera la direction de cette galerie à Charles Deschamps. Il ouvre aussi une galerie à Bruxelles, rue du Percy. Et donc, dès cette année 70, on peut dire qu'il a pris conscience du potentiel artistique et commercial des impressionnistes. Sa première exposition vraiment importante, elle a lieu en 1872, toujours à Londres. Vous voyez commencer à se dessiner ce qui va être la vocation réellement internationale de ce marchand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au marchand d'art et plus particulièrement à Paul Durand-Ruel. Alors, j'ai prononcé le nom au tout début de cette émission. J'ai parlé des impressionnistes. On ne peut pas évoquer la carrière de Paul Durand-Ruel sans faire allusion, évidemment, au moins aux impressionnistes. La première expo qu'il aurait consacré chez Durand-Ruel. D'ailleurs, c'est pas chez Durand-Ruel, elle a lieu dans l'atelier du photographe Nadar. Et c'est au journaliste Louis Leroy qu'on doit le nom, vous savez, d'impressionniste. D'ailleurs, on va y revenir, évidemment, tout à l'heure avec mon invité. En 76, seconde exposition dans le même genre. Et en 78, Paul Durand-Ruel organise une troisième exposition, mais alors cette fois avec des artistes de Barbizon, afin de réagir au salon qui refuse de cette année-là d'exposer leur œuvres. Il y a comme un travail de, est-ce qu'on peut employer le terme, j'allais dire de contre-culture chez Paul Durand-Ruel. Est-ce que c'est une stratégie de sa part ou est-ce que c'est simplement l'expression de son goût profond? Là aussi, c'est une question que j'ai très envie de poser à Yann Kerlo. Bientôt, Durand-Ruel va devoir affronter une nouvelle épreuve, parce que cette fois, c'est carrément la faillite, hein, c'est la ruine qui le guette. On est au début des années 1880, la crise financière est importante. Voici ce que nous dit Yann Kerlo dans son ouvrage sur les chercheurs d'art. Alors qu'il est pris par sa passion pour l'art, les besoins d'argent ne cessent de croître. Et oui, il faut vous dire qu'il est dans une sorte de cavalerie, en quelque sorte, Durand-Ruel. Entre la Banque de l'Union Générale et Paul Durand-Ruel, une confiance réciproque naît immédiatement et a pour conséquence d'accroître le vertigineux découvert accordé aux marchands décidés à poursuivre sa politique d'acquisition. Lorsque la presse, alertée par la brusque chute des cours de l'Union Générale, tire la sonnette d'alarme, il est déjà trop tard. Pour Paul Durand-Ruel, le désastre sera à la hauteur de la latitude que la banque lui avait accordée. Mais oui, quand vous faites de très gros crédits, vous risquez de faire de très graves faillites. Le voilà, nous dit Yann Kerlo, d'un coup sommé de rembourser les sommes empruntées. On est là en 1882, et Durand-Ruel doit absolument trouver un moyen de s'en sortir. Alors il multiplie les projets, il sous-loue une partie de sa galerie pour limiter ses ennuis financiers, et malgré cette crise financière, il continue d'être un soutien. C'est ça qui est incroyable, c'est que lui se débat au milieu d'une quantité phénoménale de problèmes de tout genre et néanmoins, il est là aux côtés des artistes, il continue à les encourager, à les soutenir, à faire comme si tout allait bien. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. En 1883, il effectue son premier voyage outre-Atlantique. Il se rend à Boston où il expose quelques toiles lors d'une exposition consacrée à l'impressionnisme. Et trois ans plus tard, le 10 avril 86, il ouvre une grande exposition à New York intitulée Works in Oil and Pastel by Impressionists of Paris, lors de laquelle Durand-Ruel va exposer quelques 300 toiles. Ça va tout changer, parce que il y a d'ailleurs une autre exposition l'année suivante, hein, en 87 à New York, et là, on peut dire que Durand-Ruel a compris que le marché américain était suffisamment sûr pour devenir un nouveau débouché très important. C'est la consécration, cette exposition, la consécration que Durand-Ruel attendait. Selon Yann Kerlo, le label Durand-Ruel devient outre-Atlantique la garantie d'une provenance exceptionnelle et d'un investissement à la hauteur des prétentions des millionnaires américains. Et oui, ces gens-là ont beaucoup d'argent à investir, mais ils veulent le faire de façon assez sûre. Ils ont surtout besoin d'être guidés. Ça, Durand-Ruel l'a compris, il va user de son influence, pour ne pas dire même en abuser un peu. Alors, il faudrait que je vous dise un mot de toutes les souffrances, de toutes les douleurs qu'il va connaître, notamment au moment de la mort de ses proches. Il y a beaucoup de difficultés aussi dans cette vie, comme dans toutes. Son second fils Charles, qui a 27 ans, meurt d'une péritonite aiguë en quelques heures à New York en 1892. Bon, ben, il faut continuer. Il va marier ses filles quand même, Paul Durand-Ruel. Et on peut dire que dans cette période, entre 1890 et 1914, il devient une sorte de référence internationale. Il expose à travers le monde dans plus de 10 villes allemandes, ce qui va d'ailleurs beaucoup marquer les collections allemandes qui deviennent très imprégnées d'impressionnisme. En 1905, il organise une immense exposition comptant près de 300 tableaux à la Grafton Galleries de Londres, et c'est considéré comme l'exposition impressionniste la plus exceptionnelle du siècle. Ça devait être quelque chose, on aurait adoré voir ça. Et entre 91 et 1922, dites-vous que Paul Durand-Ruel aura acheté près de 12 000 tableaux, parmi lesquels plus de 1000 Monet, environ 1500 Renoir, plus de 400 Degas, autant de Sisley, 800 Pissarro, près de 200 Manet. Enfin, tout ça est invraisemblable. Si, évidemment, sur un plan professionnel, le marchand d'art n'a plus rien à prouver, sa vie lui sourit moins sur le plan personnel. On a l'impression un peu que le sort s'acharne sur Paul Durand-Ruel, qui continue à subir toutes sortes de difficultés. Il s'éteindra chez lui, je l'ai laissé entendre, en 1922. Il meurt le 5 février 1922 dans son appartement du 35 de la rue de Rome. C'était devenu un monsieur très important, une sorte de gourou du monde de l'art en France. Il était à l'époque âgé de 91 ans. Bonjour Yann Kerlo. Bonjour. Personnalité extraordinaire. Alors, je me suis volontairement, parce que je n'avais d'abord pas trop le temps et puis je ne voulais pas tout mélanger, mais je me suis un peu restreint sur les difficultés personnelles de Paul Durand-Ruel. Mais c'est curieux de voir comme cette vie, qui est une vie de grandes affaires et de succès impressionnant, même si parfois il a, et on l'a vu, il a côtoyé le gouffre, est en même temps une vie qui, sur un plan personnel et familial, est semée d'embûches, de malheurs, de deuils, de difficultés. Elle est effectivement semée d'embûches, de drames personnels, puisqu'il perd sa femme très jeune. Quand il a, lui, 40 ans, elle met au monde leur sixième enfant. Et donc, il va se trouver pris au piège d'une année terrible. Cette année 1871, puisque vous l'avez rappelé il y a quelques instants, c'est l'année des troubles en France. Il va avoir deux choses qui vont le marquer énormément. C'est une famille d'ordre, c'est une famille légitimiste, monarchiste, extrêmement catholique. Et il pense, avec juste raison, que le désordre et le commerce font très mauvais ménage. Alors, nous allons voir ça avec vous dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous êtes accompagné cet après-midi, Franck Ferrand, de votre invité Yann Kerlo, avocat, ancien directeur général délégué de Gucci, romancier, essayiste, auteur de Chercheurs d'art, Les marchands d'art hier et aujourd'hui aux éditions Flammarion. Et vous nous parlez des marchands d'art et notamment de Paul Durand-Ruel. Vous nous parliez de la difficile année 1871 de Paul Durand-Ruel. Il y en aura d'autres. On est dans ce 19e siècle très perturbé avec toutes sortes de chaos politiques et sociaux. Et vous nous disiez juste avant cette interruption, Yann Kerlo, que, aux yeux de Paul Durand-Ruel, désordre politique et grandes affaires ne faisaient pas bon ménage. Alors c'est vrai, mais il va avoir cette ressource personnelle qui est vraiment tout à fait exceptionnelle chez lui. Il va avoir deux attitudes. La première, c'est de s'occuper de transférer ses affaires à Bruxelles et à Londres, d'avoir en quelque sorte deux filiales, comme on dirait aujourd'hui. Et en même temps, il va se servir de l'outil qu'incarne pour lui la presse, avec le lancement d'une première revue, et il en fera une seconde ensuite, qui s'appelle L'art dans les deux mondes, en étant très intelligent, c'est-à-dire qu'il aura non seulement deux pieds en Europe, plus un à Paris, et un troisième pied, si vous me permettez cette expression, aux États-Unis, où il va lancer L'art dans les deux mondes. On utilise donc une sorte de jeu de mots, le monde évidemment des États-Unis, qui est le monde moderne, et puis la société dans laquelle il vit, qui est la société du Second Empire, et ensuite bouleversée par la Commune et tous les événements que l'on connaît. En fait, les origines de Paul Durand-Ruel ont déterminé son goût artistique d'une certaine manière, parce qu'il n'a pas un goût académique. Il ne fait pas partie d'une lignée de marchands de tableaux comme il en existait à Paris depuis très longtemps, depuis au moins le XVIe siècle. Lui est un peu dans les marges auprès des artistes eux-mêmes. Il essaie constamment de favoriser, de soutenir, de développer ce qu'il y a de neuf dans l'art. C'est assez étonnant. Alors c'est vrai, mais j'y apporte quand même peut-être une réserve, c'est qu'en même temps il a été extrêmement prudent. Il n'a pas été prudent dans ses achats parce qu'il en faisait d'une manière quasiment inconsidérée. C'était un compulsif. Il en avait des quantités. Il y a une année 1869 où le même jour, il achète non pas des impressionnistes, mais il achète un Goya, un Velázquez, encore un autre tableau classique, un Rembrandt, pardonnez-moi. Voilà celui que j'oubliais. La même journée. Et alors, quand, ça va énormément le servir, parce que quand il va arriver aux États-Unis, il arrive avec des, évidemment, face à des fortunes considérables, les fortunes du rail, du sucre, et de tous ces grands moyens de communication, des gens qui ont fait fortune et qui ont évidemment opté pour leur collection personnelle vers les maîtres classiques. Et Paul Durand-Ruel, il va leur proposer à la fois ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui des investissements de père de famille, acheter donc un Rembrandt, un Goya, un Velázquez, un Van der Meulen, mais en même temps, j'ai aussi dans mon escarcelle à vous proposer les peintres impressionnistes, ces nouveaux talents français ou en tout cas européens, et j'en apporte 300 avec moi pour la première exposition à laquelle vous avez fait allusion il y a quelques instants. Est-ce que cet effet de masse jouait un rôle sur un plan commercial? On sait que dans d'autres domaines, on dit que le stock fait vendre. Est-ce que c'est vrai dans le monde de la peinture? Alors je pense que ce n'était pas le cas, parce que les gens ignoraient tout des impressionnistes aux États-Unis, mais qu'il avait cette double casquette, la casquette rassurante du collectionneur bienveillant qui propose des articles solides, j'aime pas beaucoup le terme d'article, en tout cas de tableaux ou d'œuvres. Et en second lieu, eh bien écoutez, pourquoi est-ce que vous ne risqueriez pas un petit peu dans votre portefeuille financier qui est très vaste, avec ces nouveaux peintres qui sont les premiers à peindre à l'extérieur des ateliers et qui ont choisi la nature comme sujet principal? Alors, vous nous avez parlé de ces grandes fortunes qui se font aux États-Unis. Si Paul Durand-Ruel est un homme de son temps, c'est parce qu'il a su utiliser les deux grandes inventions ou réinventions du 19e siècle, que sont la banque et la presse. Il a beaucoup travaillé avec les banquiers, avec les journalistes, ça vous le montrez très bien. Alors, les banquiers ont failli être sa perte, parce que comme on lui avait... Il avait grande allure, Paul Durand-Ruel. Donc en fait, on lui faisait confiance, il était un petit peu une sorte de client idéal, pas par son volume d'affaires, mais en tout cas par les découverts vertigineux qui lui ont été consentis. Et en même temps, la presse, il a perçu, et c'était très vrai à l'époque et particulièrement en France, la presse avait un rôle très important, éminent. Et là aussi où il a été extrêmement fin, c'est qu'il n'est pas intervenu en direct. Il n'a jamais voulu être le rédacteur en chef des revues, mais il a pris des grandes signatures, Mallarmé, les frères Goncourt et bien d'autres, qui vont, Zola évidemment, qui vont apporter leur crédit personnel et qui en même temps vont avoir la gentillesse pour lui de parler des peintres qu'il soutient. Donc c'est très habile, parce qu'il ne se présente pas comme la personne qui fait de la publicité pour les peintres qu'il favorise, mais au contraire comme un homme qui fait parler d'autres, et ce sont ces autres, ces grandes signatures françaises qui vont soutenir des peintres qui à l'époque, il faut quand même le dire, sont très discutés. On accuse Renoir de peindre très mal, Monet de ne pas avoir de talent, Courbet est vilipendé. Donc on a vraiment l'impression, si vous voulez, qu'il est un peu seul contre tous. Et lui, il les met, pas tout à fait, je dirais pas sur le même plan, mais en tout cas, il les met au milieu de collections qui comportent, vous nous avez dit, des Rubens, des Velázquez, des très grands maîtres classiques. Donc en fait, il leur donne des lettres de noblesse, d'une certaine manière, par contiguïté. Alors, il faut aussi rendre à César ce qui lui appartient. Il faut quand même dire que l'empereur Napoléon III avait été le premier à promulguer un décret pour autoriser ses peintres d'y refuser. Voilà. Oui, absolument. Et donc, ce décret a été une ouverture d'esprit sur un autre monde. Parce que ce qu'aimait Napoléon III, c'était Jean-Dominique Ingres, Winterhalter, des peintres très académiques. Il faut quand même dire que Ingres a été un immense peintre, mais que au-delà de Monsieur Ingres, on était dans l'académisme absolu. On ne pouvait pas faire mieux que lui. Et donc, tout d'un coup, là aussi, c'est une grande ouverture d'esprit à la fois de l'empereur Napoléon III, mais évidemment de Paul Durand-Ruel, qui a dit, écoutez, puisque vous avez déjà Monsieur Ingres, on va vous proposer autre chose. On va ouvrir un petit peu les vannes pour permettre aux gens de voir un petit peu des choses différentes. Il avait un œil, évidemment, et il avait un très grand sens des affaires. Et c'est ce qui est un peu là. On pourrait dire le point commun à tous ces grands marchands que vous évoquez, c'est-à-dire un sens esthétique suraiguisé et un sens commercial qui l'est non moins. Alors, le sens esthétique suraiguisé, ça s'acquiert. Et il a fait cette éducation de l'œil. Vous avez dit un mot sur le grand tour que son père lui a permis de faire. Oui, et puis ensuite, il y avait les Flamands, etc. Voilà, jusqu'en Angleterre. Alors, il a fait ensuite ce qu'on pourrait appeler le petit tour, le tour restreint dans le périmètre diabolique de l'hôtel Drouot, où il passait ses journées. Et il n'y avait pas de journée au cours de laquelle il n'a pas acheté. C'est une chose qu'il faut savoir. C'est un homme qui a acheté au minimum un tableau par jour. Donc ensuite, il a acheté des des ateliers entiers. Et alors, il l'a fait pour Théodore Rousseau, il l'a fait pour Manet, il l'a fait pour tout un tas de gens qui n'étaient pas vendus. Et là aussi, c'est un peu son grand courage, c'est-à-dire qu'il stockait, en espérant désespérément vendre. Alors évidemment, ça va finir par arriver. Il va devenir ce grand collectionneur, ce grand marchand qui fait autorité rue Lafitte. Les très grands marchands, ceux dont vous parlez, d'autres encore plus récents, sont de très grands stockeurs. Est-ce qu'il a été le premier à avoir cette politique d'accumulation de... Avec cette envergure, oui, parce qu'il y avait d'autres marchands qui étaient très connus à l'époque, comme Clovis Sago, comme Georges Petit, etc. Mais il était le premier à acquérir des volumes aussi importants. Tout d'un coup, en une journée, il a acheté 70 toiles de Théodore Rousseau. Ce n'est qu'un exemple, parce qu'il fera ensuite beaucoup mieux en dépassant la centaine d'œuvres. Et là, si vous voulez, il y a une chose qui est vertigineuse, c'est qu'en même temps, il faut tout de même le dire, on est dans les années 1871, il n'a pas le premier sou de ses achats. Donc vive les banques, vive le crédit, et on est aussi dans cette France de l'enrichissez-vous, la France industrielle, la France qui va construire des hôtels particuliers Parc Monceau, qui va rénover Paris et qui va adorer le commerce. Oui, et qui est en pleine expansion et avec un optimisme extraordinaire et la volonté de repousser toutes les frontières, y compris celles de l'art. Et il y a sans doute une volonté, alors bien entendu, les intérêts ne sont jamais loin chez un homme comme Paul Durand-Ruel, mais il y a bien la volonté de faire évoluer les choses. C'est quand même un homme de passion. C'est un homme à haut risque pour son entourage, pour sa propre famille qu'il a failli ruiner, mais sa passion lui fait ne jamais renoncer à une acquisition, même s'il n'en a pas le premier centime. Et en même temps, non seulement il va prendre des risques, mais il va avoir un œil exceptionnel pour, au fond, accueillir, et vous l'avez dit très justement, protéger ses artistes. Il faut quand même se souvenir qu'il a payé le loyer de Renoir, qui n'avait pas un sou, pendant des années. Donc, quel est aujourd'hui le grand marchand qui ferait ça? Personnellement, je n'en connais pas. Oui. Alors, quels étaient ses liens avec les artistes? Est-ce qu'il entretenait de véritables relations avec eux? Il avait une véritable admiration pour les artistes, de quelque bord qu'ils soient, et je le dis en pensant aussi au bord politique, pas seulement au bord pictural, parce que Dieu sait qu'un homme comme Courbet qui va démolir la colonne Vendôme, pour quelqu'un comme Paul Durand-Ruel, c'est un acte criminel. Ça ne va pas l'empêcher de le soutenir. Ça ne va pas l'empêcher de soutenir d'autres gens qui ont des opinions nettement plus progressistes. Ça n'est pas très difficile que celle de Paul Durand-Ruel. Et il va se moquer de tout cela. Il va aimer l'art vraiment pour l'art. Il va faire une frontière, il va la poser entre ses goûts picturaux et les liens qu'il a avec ses artistes qu'il va défendre mordicus envers et contre tout. Quand il meurt donc en 1922, il laisse un stock de tableaux impressionnant. Ça fait donc une succession fascinante en fait. Une succession tout à fait considérable et les héritiers qui sont des gens très avisés ne vont pas révéler le nombre exact de tableaux. On a parlé de 10 000, c'est sans doute plus proche de 12 000. Mais en tout cas, si vous voulez, ce sera une des collections les plus éblouissantes que l'on ait jamais constituées parce qu'elle pourrait remplir des musées entiers. Alors il n'y a pas dans votre ouvrage que Paul Durand-Ruel, loin s'en faut. Vous évoquez un certain nombre des grands marchands d'art à travers l'histoire. On parle de Kahnweiler, on parle de Peggy Guggenheim, d'Ambroise Vollard, évidemment. Nous y venons dans un instant. Et nous, je vais vous demander, Yann Kerlo, ce qui vous a amené vers tous ces grands marchands. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Thank you. Alexandre Desplat sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Renoir, sorti en 2012. Nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous parlez, Franck Ferrand, des marchands d'art, avec votre invité Yann Carlo, avocat, ancien directeur général délégué de Gucci, romancier et essayiste, auteur de Chercheurs d'art, Les marchands d'art hier et aujourd'hui aux éditions Flammarion. Oui, Chercheurs d'art, sous-titré Les marchands d'art hier et aujourd'hui, c'est édité donc chez Flammarion. Alors, Yann Carlo, vous étiez venu me parler il y a quelque temps de Yves Saint Laurent. On vous attendait plus sur des sujets de style, si je puis dire, et de mode que sur celui des grands marchands. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce sujet? Alors, à titre personnel, j'ai toujours été passionné par l'art, mais les gens dont je me suis occupé, sur lesquels j'ai écrit des livres, je pense en particulier à la reine Christine de Suède, c'était une immense collectionneuse. Et ensuite, dans le domaine de la couture que vous évoquez, eh bien, il y a eu aussi des couturiers, et on en connaît, un Karl Lagerfeld, qui est un immense collectionneur. Oui, avec cette vente incroyable. Et alors, aussi un homme, peut-être, qui était un peu oublié, très injustement, Jacques Doucet, le couturier, a été quand même l'acquéreur du tableau maudit de Picasso, qui est Les Demoiselles d'Avignon, dont personne ne voulait, qui était peint en 1907, et qui n'a été vendu, qui restait dans l'atelier de Picasso. Tous les marchands sont venus le voir. Ambroise Vollard est venu le voir, ne l'a pas aimé. Daniel-Henri Kahnweiler est venu le voir. Et c'est en 1924, Jacques Doucet, qui est au sommet de la carrière de la haute couture, qui en a plus qu'assez d'être meublé avec des choses 18e, qui dit à un de ses amis, écoutez, j'ai envie de changer un petit peu d'horizon et de cadre de vie. Et c'est André Breton qui va lui dire, mais écoutez, il y a un tableau d'un artiste qui est maintenant très reconnu. C'est un tableau qui est un tableau qui va compter, qui sera le manifeste du cubisme. C'est Les Demoiselles d'Avignon. Et Jacques Doucet va le payer une véritable fortune à Pablo Picasso, qui, comme vous le savez, n'a jamais aimé les marchands, a préféré toujours traiter avec des clients en direct. Ce que vous me dites là me donne très envie de faire une émission sur Jacques Doucet. Depuis le temps que je pense à ça, ça fait partie un peu de nos serpents de mer. Il faut que nous y songions sérieusement. Vous ouvrez votre livre par la chute de la maison Knoedler. C'est très piquant comme attaque, évidemment. C'est une maison américaine qui n'est peut-être pas très connue des Français, mais qui avait un renom extraordinaire puisqu'elle avait 165 ans d'existence quand elle a fermé ses portes. Une maison donc qui était tout à fait éminente et qui a aussi fonctionné un petit peu à la Paul Durand-Ruel, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois des œuvres classiques de très très grande qualité et en même temps, elle est devenue un petit peu le berceau de l'art moderne et ensuite contemporain. Et cette maison va fermer dans des conditions un petit peu troublantes puisque indirectement, on apprend qu'il y a quelques scandales immédiatement après la fermeture de la maison et qu'en particulier, cette maison très éminente aurait vendu des tableaux qui sont soupçonnés d'être des faux et en particulier des Jackson Pollock. Oui. Vous avez cité un nom, celui de Kahnweiler, qui va jouer un rôle très important. Alors, dans la phase suivante, si je puis dire, dans l'avènement de l'art dit moderne, ça a été une prise de risque plus grande encore que celle qui concernait Durand-Ruel avec les impressionnistes. Alors, il y a quand même une personne qui a pris de gros risques aussi, c'est Ambroise Vollard. Alors, Ambroise Vollard, Vollard, parce que si vous voulez, il a été le premier à faire, on pourrait dire un petit peu une OPA sur Pablo Picasso, qu'il rencontre quand Picasso a 19 ans. Et ce sont les tableaux merveilleux de la période bleue. Et Ambroise Vollard va lui dire, bah, écoutez, vous ne trouvez pas d'acquéreur, moi je vous achète toute la période bleue. Alors il va récolter des tableaux d'une immense valeur et d'une qualité exceptionnelle. Picasso va lui en vouloir à mort. Ils seront en très mauvais termes jusqu'à ce qu'il y ait une réconciliation. Mais Picasso lui en veut-il? C'est ce qui était bien parce que Picasso estime que les marchands sont des voleurs et qu'on lui a acheté très peu cher tous ces tableaux, qu'il a été un petit peu pris de court. Donc il va lui en vouloir, mais les choses vont tout de même s'arranger. Puisqu'ensuite il y aura la fameuse, ce qu'on appellera la suite Vollard, c'est-à-dire toute une série de tableaux que Picasso fera pour Ambroise Vollard. Ça c'est très important parce que c'est la naissance d'une nouvelle mentalité chez les artistes qui ont de plus en plus de mal à supporter l'intermédiaire des grands marchands. Alors que leurs aînés, si je puis dire, trouvaient là un moyen de subsister, eux essaient de s'en affranchir. Ce sera toute la grande question ça du XXe siècle en fait. Mais c'est toujours très difficile en fait pour les artistes de considérer qu'une œuvre qui leur a été achetée va être vendue 10 fois, 40 fois, 50 fois, 100 fois le prix. Et donc, Kahnweiler va être aussi en termes pas très bons avec Picasso, après avoir été considéré comme le grand marchand du cubisme. Alors, cet Ambroise Vollard, c'est à mon avis le deuxième grand personnage de votre livre. Personnage fascinant, il arrive de la Réunion, lui, on est vers la fin du 19e siècle, au milieu des années 1880. Il débarque à Paris et il arrive avec toutes sortes de nouveaux principes. Personnage étonnant. Alors c'est un homme très secret et très mystérieux, oui. Qui était dans sa galerie, qui avait toujours l'air de dormir, les yeux clos, de ne pas regarder, ne pas prêter la moindre attention aux gens qui rentraient, mais en fait il ne dormait que d'un œil. Il y a deux portraits merveilleux d'Ambroise Vollard, l'un fait par Cézanne, qui est un portrait un peu pré-cubiste, et puis le deuxième portrait éblouissant fait par Picasso, où on voit l'énorme tête de Vollard, parce qu'il avait un très grand front, il était assez dégarni, il est évidemment, il a l'air totalement assoupi dans sa galerie, mais c'est un homme qui va aussi avoir un œil exceptionnel, à la fois pour les Picasso de l'époque bleue, et puis ensuite il va accueillir Van Gogh, Gauguin, les fauves. Enfin, c'est un homme qui va acheter de manière tout à fait considérable, avec un œil exercé. Et ce sera aussi, il faut l'ajouter, ils ont tous ce point commun, on pourrait dire l'aimant central, c'est l'hôtel Drouot, et ils naviguent autour de la rue Rossini, de la rue Drouot, comme des malades, en achetant tous les jours des œuvres. Et donc là aussi, il faut le dire pour Ambroise Vollard, c'est très important parce que il a ce point en commun avec Paul Durand-Ruel, il va protéger les artistes, il va payer le voyage de Gauguin aux îles Marquises, il va faire des choses extraordinaires pour tous ces gens-là. Oui, il a des liens personnels avec les artistes les plus nouveaux, si je puis dire, avec Kandinsky, il faut évoquer ses liens avec Cézanne par exemple. Alors Cézanne aussi, le pauvre Cézanne, considéré comme un très mauvais peintre, Zola fait un portrait à charge de lui dans une de ses œuvres, ça va les brouiller, et Paul Cézanne va partir évidemment pour la Provence, et il va dire à Ambroise Vollard, vous savez, vous ne vendrez jamais aucun de mes tableaux, parce que je suis un peintre du dimanche, je ne suis capable que de copier. Et donc, c'est amusant de penser qu'ensuite, il y a quelques années, il y a 3 ans, la fille de l'émir du Qatar a acheté les joueurs de cartes de Paul Cézanne pour 190 millions d'euros, soit 250 millions de dollars, faisant d'un tableau maintenant classique, un des tableaux les plus chers du monde. Oui, c'est tout à fait inouï. Là, on aborde la dimension placement, spéculation, que ces grands marchands ont fortement contribué à développer, bien entendu. Ils ont fait de l'art en général et de la peinture en particulier un lieu de placement. Alors, il faut le dire. Tout de même dire que le marché de l'art a toujours été une arène spéculative. C'était vrai même au XVIIe siècle, puisque à l'époque, les grands collectionneurs, c'était les souverains de toute l'Europe et du monde qui achetaient. Il y avait toujours quand même un aspect un peu spéculatif qui s'est exercé et qui a continué au fil du temps. Là, on est arrivé quand même à des sommets, puisque on va donner juste un Jackson Pollock récemment passé en salle des ventes, 55 millions d'euros, un Jean-Michel Basquiat, 35 millions d'euros. Donc ce sont des signatures électrisantes, ce ne sont plus des artistes, ce sont des marques. Ouais, c'est ça, là, à ce niveau-là, on est dans autre chose, d'une certaine manière. Et ce qui fascine le public lorsqu'on ajoute tous ces zéros, des 6, 7, 8 zéros, derrière là, ça prend des proportions folles, c'est la succession de tous ces grands marchands. Bien entendu, dans le cas d'Ambroise Vollard, c'est très particulier ce qui va se passer. Ces ayants droit ne sont pas ce qu'on aurait pu attendre. Alors, les ayants droit d'Ambroise Vollard, personne ne les connaissait au départ. Une famille, la famille de Galéa. Il se trouve que Ambroise Vollard, qui était un homme très secret, était terriblement amoureux de Madame de Galéa, qui était la femme d'un diplomate. Et Ambroise Vollard n'est pas un homme de conflit. Il va donc être l'amant de Madame de Galéa pendant la plus grande partie de sa vie. Et quand il va mourir, la famille de Galéa a un fils. On dira que c'est le fils d'Ambroise Vollard. Et il va faire hériter toute la famille. Donc il aimait à la fois le diplomate, monsieur de Galéa, il aimait son épouse et il aimait donc son fils. Et ils vont se retrouver avec une petite fortune qui va ensuite être très contestée puisqu'il y aura des tiers. Ah ben, ça va être un petit peu compliqué tout ça, mais enfin on ne va pas se faire de soucis pour eux. Quand on est extérieur à ces familles et à ces problèmes, on se dit oh là là, mais quel panier de crabes. Mais il faut avoir conscience des sommes en jeu qui sont mais vertigineuses. On a presque envie de dire qui ne se battrait dans ces conditions, hein, parce que ce dont on parle, c'est pour le grand public, évidemment, des investissements dans l'immobilier sont très visibles. Là, on parle d'investissements qui, à travers quelques toiles de grands maîtres, sont parfois plus importants encore. Hein. Il faut avoir ces ordres de grandeur à l'esprit. Ça peut représenter des avenues entières dans Paris, juste pour donner une idée, ou pour être plus raisonnable, on va dire une rue simplement à Londres, puisque c'est à peu près 4 fois les prix de Paris aujourd'hui. Donc ça donne une idée aux gens qui nous écoutent du potentiel de ces successions qui sont colossales. C'est phénoménal. Alors, ça donne un relief particulier aux amitiés et aux amours de ces grands marchands qui sont en même temps de très grands collectionneurs eux-mêmes, par définition. En tout cas, ils sont à la tête de très gros stocks. Une vie privée passionnante, c'est celle de Peggy Guggenheim, pour le coup. Alors là, c'est assez... Peggy Guggenheim, on peut se demander si elle collectionnait davantage les amants que les toiles, parce qu'elle a eu une vie qu'on pourrait qualifier de peu standard. Oui. Elle est d'abord une héritière, puisqu'elle appartient à la famille Guggenheim, qui a bien sûr ce musée que tout le monde connaît, Venise, qui porte leur nom, bien sûr, d'abord aux États-Unis, puisque c'est d'abord l'oncle de Peggy Guggenheim a fondé donc ce musée tout à fait extraordinaire, et elle-même aura son musée. C'est le musée qui a été refait par Yao Ming-Pei, hein, cette espèce de grande spirale, en fait. Ouais. Et donc, elle-même va avoir son musée. Alors, elle aura son musée, mais avant d'avoir son musée, elle va s'occuper de sa vie privée, un peu chahutée, il faut le dire, avec plusieurs mariages, dont un mariage avec Max Ernst, et puis un défilé d'amants, on pourrait dire un peu toutes catégories confondues, c'est-à-dire que ça va de l'artiste au garagiste, à des gens très différents, venant de sphères extrêmement diverses. Elle va beaucoup s'amuser, beaucoup se distraire. C'est peut-être pas une mère exemplaire, ni une épouse exemplaire, mais elle va aussi constituer un peu par hasard une collection d'art qui va se révéler tout à fait éblouissante. Pourquoi dites-vous par hasard ? Un peu par hasard, parce qu'au début, ça n'était pas tellement un domaine qui l'intéressait. Et elle va petit à petit, il y a peut-être l'influence de ses oncles aussi qui va compter, et elle a une sorte de revanche à prendre sur ses oncles qui ont réussi, qui ont hérité de beaucoup plus d'argent qu'elle encore, et elle va se dire au fond, par rapport au lien qu'elle a avec une société à Paris, elle fréquente beaucoup d'artistes, et tout d'un coup on va lui dire, mais au fond, pourquoi est-ce que vous n'achetez pas des œuvres ? Elle va commencer un petit peu conseillée par les uns et les autres, par certains marchands anglais avec lesquels elle a des liens, elle va faire un début de collection sans trop y croire, et puis elle va commencer à réellement acheter de manière très forte à partir de 1935. Alors votre ouvrage est sous-titré Les marchands d'art hier et aujourd'hui, parce que vous nous parlez de gens très récents comme Charles Saatchi, comme Larry Gagosian. Alors là, on est dans l'actualité la plus brûlante, si je puis dire. Oui, parce que je trouvais que c'était intéressant, si vous voulez, non seulement de parler des peintres expressionnistes américains et des gens qui les ont vendus et fait sortir de l'inconnu, ce qui est le cas de Peggy Guggenheim dont on vient de dire un petit mot, mais il y a ensuite des Charles Saatchi qui étaient alors... C'est toujours intéressant, les gens qui réussissent bien dans les affaires et qui tout d'un coup ont une passion. Ce sera le cas de Charles Saatchi qui a une agence de publicité qui a été une des premières du monde et qui va constituer une collection d'art, et c'est lui qui va porter sur les fonds baptismaux quelqu'un de totalement inconnu qui s'appelle Damien Hirst et qui va être maintenant l'un des artistes les mieux vendus, et également Jeff Koons. Merci beaucoup Yann Kerlot. Chercheur d'art, les marchands d'art hier et aujourd'hui, c'est un livre foisonnant, très amusant et qui est publié chez Flammarion. Merci beaucoup. Je vous signale aussi qu'en ce moment, Europe 1 est partenaire de la Foire de Paris. Alors si vous voulez aller faire des investissements nettement moins coûteux, je vous le promets, vous pouvez toujours vous rendre Porte de Versailles. La Foire de Paris, c'est jusqu'au 11 mai, Porte de Versailles. Dans un instant sur Europe 1, vous répondez Franck Ferrand à la question de Vincent sur l'origine des expressions liées au tambour comme battre la chamade ou encore battre son plein. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Vincent. Vincent qui aimerait connaître l'origine des expressions liées au tambour comme battre la chamade ou encore battre son plein. Une question qu'il nous a posée via le site internet d'Europe 1. Mais je suis bien content que Vincent nous pose cette question parce que ça va permettre de préciser l'origine du terme « battre son plein ». Alors certains prétendent qu'en vérité l'expression « battre son plein » ne serait pas liée au tambour et qu'elle serait plutôt liée aux marées maritimes. Vous savez, le mot « plein » viendrait d'une confusion entre « plein complet » et « plein P-L-A-I-N », c'est comme on dit de « plein pied ». Et on pourrait rattacher ça à l'ancien français « plein » pour désigner le rivage plat. Battre son plein, ça voudrait dire que la mer est à son maximum. Mais la définition, enfin l'origine, l'étymologie la plus fréquente qu'on donne, c'est bien une étymologie de tambour, c'est « battre plein son du tambour », ce qui veut dire que le mot « son » n'est pas du tout un déterminant et qu'il ne s'accorde pas. Donc on ne dit pas que les festivités battent leur plein, comme beaucoup de personnes le disent. Les festivités battent bien son plein. Une expression beaucoup plus liée au tambour, c'est effectivement, comme le disait Vincent, battre la chamade. Alors là, ça appartient effectivement au vocabulaire militaire. Ça désigne une batterie de tambour ou une sonnerie de trompette qui annonce le désir de s'entretenir avec l'adversaire. Vous savez, la chamade vient du latin chiamada, qui signifie la clameur. Cette expression actuellement est employée au sens figuré. Ça veut dire, on l'emploie notamment, on dit que le cœur bat la chamade. Ça veut dire qu'il bat très fort. On pourrait employer aussi l'expression battre au champ, par exemple. Il y a beaucoup d'expressions qui utilisent le verbe battre. Battre monnaie, bien entendu. Battre le fer tant qu'il est chaud. Battre froid à quelqu'un, ça veut dire témoigner une certaine froideur. Battre sa coulpe pour désigner l'attitude d'humilité qui consiste à reconnaître une faute. Battre le pavé, battre la campagne. Et puis une expression que j'ai tendance à utiliser peut-être un peu trop moi-même, battre en brèche, ce qui vient là nous ramène à l'armée, nous ramène à l'artillerie. C'était au moment où l'on attaquait, vous savez, en poliorcétique, quand on attaquait un rempart, on essayait de chercher le point faible du dispositif adverse. Voilà pour toutes ces battues.